un week-end du 1er mai, tu retournes chez toi, porte de Bagnolet, passer le week-end avec les Nantais cuite sur cuite. Puisqu'il n'en fallait, en passant la seconde, tu refais le bilan sur ta triste vie. Ton boulot déprimant, t'aimerais faire demi-tour à tout moment. C'est le pire bouchon de tous les temps. Traquenard dans les bouchons, juste rentrer à la maison. Traquenard dans les bouchons, juste rentrer à la maison. Colère, tu commences à insulter les types qui essaient de te gruger, de t'enfiler par tous les côtés. L'habitat commence à chauffer, t'es pas loin de péter un boulon en mode chute libre. Attention, action, canardé les couillons en faction, ma queue de glace serait fait, c'était le caisson. Traquenard dans les bouchons, tu veux juste rentrer à la maison. Traquenard dans les bouchons, tu veux juste rentrer à la maison. Veulent rentrer pour le dîner, pour regarder le film de France TV. Mais toi, t'en as rien à branler, tu veux juste rentrer pour poncer. T'arrives au péage de Saint-Arnoux, le type devant cherche son ticket partout. Toi t'en peux plus, tu es comme un fou. T'ouvres la vitre, tu lui jettes des sous. Traquenard dans les bouchons, tu veux juste rentrer à la maison. Traquenard dans les bouchons, tu veux juste rentrer à la maison. Putain, j'aime le faire aussi. Tu arrives enfin vers 20h chez toi, il passe chute libre sur France 3 et tu le mates pour dégonfler. C'est quoi William Foster qui perd son sang-froid? Finalement ton boulot n'est pas si pourri, tu vas te coucher un peu moins aigri pour aller à ton boulot. Demain c'est reparti, les bouchons parisiens, c'est jamais fini. Traquenard dans les bouchons, tu veux juste rentrer à la maison. Traquenard dans les bouchons, tu veux juste rentrer à la maison. Traquenard dans les bouchons, tu veux juste rentrer à la maison. Traquenard dans les bouchons, tu veux juste rentrer à la maison.